Où ai-je été? Où suis-je? Le beau jour. Je suis étrangement abusé. Moi, je mourrais de pitié à voir un autre ainsi. Je ne sais que dire. Je ne jurerai pas que ce soit la mes mains, que je voudrais être sûr de mon état. Oh, regardez-moi, sire, étendez vos mains sur moi pour me bénir. L'ire veut se mettre à genoux devant elle, elle le retient. Non, sire, ce n'est pas à vous de vous agenouiller. De grâce, ne vous moquez pas de moi. Je suis un pauvre vieux radoteur de 80 ans et au-delà. Pas une heure de plus ni de moins. Et à parler franchement, je crains de n'être pas dans ma parfaite raison. Il me semble que je dois vous connaître et connaître cet homme. Pourtant, je suis dans le doute, car j'ignore absolument quel est ce lieu, et tous mes efforts de mémoire ne peuvent me rappeler ce costume. Je ne sais même pas où j'ai logé la nuit dernière. Ne riez pas de moi, car, aussi vrai que je suis homme, je crois que cette dame est mon enfant, Cordelia. Oui, je la suis, je la suis. Vos larmes mouillent-elles? Oui, ma foi. Je vous en prie, ne pleurez pas. Si vous avez du poison pour moi, je le boirai. Je sais que vous ne m'aimez pas, car vos sœurs, autant que je me rappelle, m'ont fait bien du mal. Vous, vous avez quelques motifs. Elles, n'en avaient pas. Nul motif, nul motif. Est-ce que je suis en France? Dans votre propre royaume, sire? Ne m'abusez pas. Plairait-il à votre Altesse de marcher? Il faut que vous ayez d'indulgence pour moi, je vous en prie. Oubliez et pardonnez. Je suis vieux et imbécile.